C'est bien gamin que j'étais le plus riche. On me disait c'est bien gamin la triche. Pendant que les enculés touchaient des miches, je maniais le pied de biche moi. Et des études, eh ben je m'en fiche. J'ai connu mon premier GAV à cause du bécané crevé dans les quartiers. Souvent la rue levée, et lorsqu'on voyait les gyrophares, fallait se sauver. Mineur et déjà équilibré, c'est grâce au shit que j'ai eu de la valeur. Avec les porcs, on jouait aux gendarmes, aux voleurs. C'est sur la côte que je profitais de la chaleur. Avec ma clique ou en solo, on m'a embrouillé sur ma face un polo. Et ouais, c'est comme ça à Lyon Pélo. J'ai participé à des boulettes, j'ai niqué des canards sur les murettes. Toujours à chasser ceux qui tapaient dans la poudrette. Et je me rappelle aussi le soir de rouille, pas de maille. Alors on jouait la débrouille, et c'est à la route qu'on se mouille. Et tu vois d'où quand t'embrouilles. C'est Minot que j'ai touché une première douille et connu mes premières fouilles. Quand on allait en ville, c'était pour la dépouille. On voulait des kilos, malgré mon casier judiciaire, nommé les clous. Et ouais, c'est comme ça, aïe au pélo. C'est bien gamin que j'étais plus riche pélo. En plus gamin, j'avais des kilos au pélo. N'avais pas de travaux, juste des narvals au pélo. Jamais d'ennui, ambiance bruit. Quand y'avait les lardus, c'était en mode de fuite. Et à 15 pieds, c'est derrière le volant que je suis. Joue les durs, on joue les chauds. On était durs, on était chauds. Et le problème était mon emblème. C'est toujours devant l'argent qu'on me ramène. C'est pour l'argent qu'on se démène. Et dans ma tour, j'ai joué les mauvais tours. Dans mon allée, j'ai passé des heures de cours. J'ai un CV marqué par la rue comme parcours. Mes ennemis criaient au secours. Lorsque j'avais mes mains autour de leur cou, voulaient des sous. Alors on jouait les fous, se battait les couilles du trou. Tant que je me souviens, jamais eu peur du loup. Les esquivants de deux, un coup de sifflet 22-22. Et dans la cave, il y avait toujours 22 lourds. On se rappelle ces quatre lettres et ça jouait. Étant voulu les effacer dans les battles de la R5. On a voulu me surclasser. Broulailler, ça faisait qu'improviser pour encore quelques fiches dans mon casier. C'est bien gamin que j'étais plus riche pélo. En plus gamin, j'avais des kilos au pélo. N'avais pas de travaux, juste des narvals au pélo. C'est un lion qu'on m'appelait Iclo, Iclo, Iclo, Iclo, Iclo, Iclo. C'est bien gamin que j'étais plus riche pélo. En plus gamin, j'avais des kilos au pélo. N'avais pas de travaux, juste des narvals au pélo. C'est un lion qu'on m'appelait Iclo, Iclo, Iclo, Iclo, Iclo, Iclo. Les chats salomes ont laissé de la gomme. Puis ensuite, y'avait l'affrontement qui dégomme. On voulait des grosses sommes. Toujours prêt pour la fuite si la porte ça sonne. Sur la bique à jouer le playboy. On voulait que je m'arrête alors jouer le bad boy. T'es bruyant, chaud bouillant. Pour les vols j'étais un vaillant. Dans mon secteur on se lève au soleil couchant. Puis des contrôles un peu trop touchants. Ça finit tranchant. J'ai connu trop tôt les réveils trop tôt. Les questions fusent. Et moi je rue, je sais qu'on m'accuse. Mais je trouve toujours la fissure. J'en avais des excuses. À trop ricaner, on me disait trépaner. Des claques j'en ai reçu. Mais j'ai toujours répondu par des patates. Comme ça y'aura pas de déçus. Sur moi y'a pas moyen de prendre le dessus. De mes délits, tout le monde l'a su. Le juge ne m'a jamais cru. Alors je disais ta gueule, sale pute, tu pues. J'ai grandi avec une mentalité de rue. C'est bien gamin que j'étais plus riche pélo. En plus gamin, j'avais des kilos au pélo. N'avais pas de